C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. On va parler du Canadien, on va parler de l'actualité dans la Ligue nationale avec notre ami Stéphane Labeau. Salut Steph! Salut Danny. Stéphane, ce qui a marqué l'actualité dans le monde du sport cette semaine, tout le monde a une opinion, c'était nettement au-delà du sport, c'est l'histoire de Don Cherry. Écoute, moi, je soupçonne quelque chose. Je soupçonne là-dedans là, que Sportsnet, c'est un prétexte pour le congédier. Parce que tout le monde sait que Rogers ne fait pas d'argent avec le contrat de télévision. Même de ça, c'est un gouffre sans fond. Et ils ont sauvé 750 000 $. Je sais pas comment tu vois ça. Ben c'est possible. Surtout que, bon, oui, on peut penser que c'est des propos déplacés qu'il a omis envers les immigrants. Mais on s'entend pour dire que c'était pas son pire commentaire qu'il a fait au cours de sa carrière. Et pourquoi maintenant? Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Et que là, dans le contexte actuel où maintenant, c'est rendu très difficile de justement de donner une opinion. Il faut faire attention à ce qu'on dit, puis la façon dont on le dit. Est-ce que c'est combiné justement avec l'aspect financier de la station de télévision? Mais de toute évidence, Don Cherry, Danny, tu vas être d'accord peut-être avec moi, c'est une des plus grandes personnalités dans le monde du hockey depuis des années. Là, même s'il n'a pas marqué de but, il n'a pas gagné de trophée, il n'a pas gagné de Coupe Stanley, il a su, au travers de ses interventions à la télévision, devenir un icône. Et là, je ne dis pas que ça a toujours été positif, loin de là, mais il a suscité tellement d'intérêt. Écoute, moi, je me souviens, pendant les matchs de hockey au Forum de Montréal, entre les entraques, il y avait des joueurs qui allait voir les commentaires de Don Cherry pendant le match de hockey. C'était pour dire à quel point il pouvait susciter l'intérêt, qu'on l'aimait ou qu'on l'haïssait. Au fil de sa carrière, il a fait tellement de commentaires déplacés, selon moi, surtout beaucoup envers bon les Européens, les Russes, beaucoup envers les Québécois. Et ça a toujours passé, il a toujours été excusé. Et là, tout d'un coup, il fait un commentaire, encore une fois, déplacé. Mais est-ce que c'était le pire dans sa carrière? Loin de là. Mais là, il a écopé. Peut-être que là, à un moment donné, on est rendu à une autre époque. Tu l'as mentionné, et je le répète, le facteur économique d'une station. Mais somme toute, là, c'est quand même un onde de choc de voir un gars avec tellement d'années d'expérience, avec un Paul McLean qui était toujours à ses côtés, finir sa carrière de cette façon-là, c'est plutôt triste pour lui. Ah, c'est triste. Mais moi, je suis pas sûr que sa carrière est terminée. Je suis pas sûr du tout parce que moi, je pense qu'il va se partir un podcast. Ce gars-là. C'est possible. Ça va dépendre de son intérêt, à l'âge qu'il est rendu. Est-ce qu'il a encore cette énergie-là? Mais il y a beaucoup un ralliement derrière lui. C'est un gars qui avait. Un petit peu comme, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est un petit peu comme un Donald Trump. Il a sa base de fidèles qui va le suivre, peu importe ce qu'il va dire, de la façon dont il va le dire. Et ça sera intéressant de voir justement s'il va se replacer ailleurs ou s'il va entreprendre d'autres défis. Ouais, à 86 ans, il pourrait tout simplement arrêter. Puis écoute bien, je suis pas sûr qu'il est à plaindre là. Il est pas à plaindre là. Mais quelque part, est-ce qu'il mérite d'être au temple de la renommée? Non. Non? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, bon, il a été un personnage, il a eu un impact médiatique au niveau de la Ligue nationale, mais est-ce que son rôle a joué était aussi important pour dire qu'il mérite une entrée au temple de la renommée? Non, je pense pas. Surtout dans la controverse qu'il a fait plus souvent qu'autrement. Il a été très discriminatoire envers plusieurs groupes de personnes. Je ne pense pas qu'il mérite sa place là, au temple de la renommée. OK. Stéphane, on va parler maintenant du Canadien. Le Canadien, hier, ça a été un match, semble-t-il. Je ne l'ai pas encore écouté, je l'ai enregistré. Mais semble-t-il, c'est Carey Price qui a sauvé le match. Oui, mais le Canadien qui a encore une fois trouvé une façon de gagner de façon un petit peu étrange. Je trouve que cette équipe-là, depuis le début de la saison, ça l'explique un petit peu là, leur succès, c'est qu'ils trouvent une façon de gagner. C'est pas toujours de la bonne façon, mais on dit que les bonnes équipes trouvent une façon de gagner. Je les trouve parfois très chanceux, parfois très opportunistes. Dernièrement, Carey Price fait un excellent travail. Leurs défenseurs contribuent offensivement de façon un petit peu inespérée. Mais Danny, en bout de ligne, c'est ça qui est important, c'est de gagner des matchs de hockey, surtout en début de saison. Le Canadien va en avoir besoin. Est-ce que c'est la bonne façon? Pas toujours, mais jusqu'à présent, il faut leur donner crédit. Là, ils participent dans les séries éliminatoires actuellement. Moi, je suis surpris. Est-ce qu'ils vont tenir la cadence? On le souhaite. Mais il va falloir vraiment là, qu'il y ait une meilleure façon de remporter les victoires qu'on a vues dernièrement. Là. Ce matin, Gilbert Delorme au 91.9, je sais que tu collabores de temps en temps avec Gilbert, il est allé dire que Ryan Poehling, et je veux avoir ton opinion là-dessus, il dit que Ryan Poehling ne sera jamais un joueur d'impact avec le Canadien parce qu'à cause de son body language. Il dit, je sais pas ce qui se passe, mais ce gars-là, il a de l'air à s'en foutre. Si ça, c'est trois buts. Son match de trois buts. Comment tu vois ça, toi? Ou il est encore trop bonheur? Ben, c'est un petit échantillon. Son langage corporel, il faudrait le décortiquer davantage. Moi, présentement, j'analyse plus ses performances. Évidemment, moi, Ryan Poehling, il est arrivé avec beaucoup de publicité, beaucoup d'attentes. L'attente a grandi avec sa performance lors de son premier match l'année passée. Il a peut-être été son pire ennemi en jouant une partie de cette façon-là. Moi, je suis un petit peu en attente de voir qu'est-ce que Ryan Poehling va devenir comme joueur de hockey. Moi, je le projette au mieux comme un joueur de troisième trio. Est-ce qu'il va devenir un vrai joueur d'impact dans la Ligue nationale? J'ai mes réserves, mais je vais demeurer calme, puis je vais laisser la chance aux coureurs de s'établir un petit peu plus avec un plus grand nombre de parties avant de me prononcer définitivement sur son cas. OK, parce que ce qu'on a dit, oubliez l'histoire de trois buts, là, c'est un match comme ça. Là. Ryan Poehling va être un joueur de troisième trio, un genre de Jordan Staal à peu près. Ben, on le souhaite, s'il devient un genre de Jordan Staal, ça sera quand même déjà très positif. Est-ce que ça sera le cas? C'est toujours là la projection, Danny, qui est pas facile à faire, entre savoir un gars qui joue junior majeur ou qui joue au collège américain. Même si on est bon dans le junior majeur ou au collège américain, comment qu'on va se transporter dans la Ligue nationale avec les meilleurs joueurs au monde? Il y en a que ça se passe très bien, d'autres c'est plus compliqué. Présentement, si on regarde le jeune Suzuki, il donne des signes intéressants, mais c'en est un autre. Est-ce qu'il va se démarquer et devenir un Nathan MacKinnon, un Connor McDavid? Est-ce qu'il va devenir un Mitch Marner? Ou est-ce qu'il va tout simplement devenir un joueur de deuxième, troisième trio? Et c'est là que c'est important d'être parfois patient avec les jeunes. Mais en même temps, il faut rester réaliste puis ne pas trop s'emballer trop rapidement. Ouais, le Rocket de Laval, il va très, très bien. Et ça, je suis content parce que à un moment donné, le Rocket, écoute, on l'a dit, il faut faire les séries cette année, ça commence par là. Moi, t'es un petit peu de ma théorie aussi que les jeunes doivent apprendre dans la victoire. Et c'est le fun de voir le Rocket. Mais même s'ils ont une grosse masse salariale, même s'ils ont plusieurs joueurs qui sont de la Ligue américaine, qui sont de calibre de la Ligue nationale, moi, je trouve ça le fun de voir ça. T'sais, je regarde un Caden Primo qui brille énormément. Et il y a des jeunes comme Josh Brooke. Il y a comment tu vois ça, toi? Ben, de façon très positive, évidemment, pour une organisation, d'avoir un club dans la Ligue américaine qui performe, c'est toujours bien. C'est important d'avoir de bons vétérans. On en a beaucoup quand même cette année avec le Rocket. Pour que, justement, nos jeunes espoirs soient bien entourés. Ils sont sur une bonne séquence. Moi, présentement, ce qui m'emballe le plus, c'est les performances, justement, de Caden Primo. On a besoin de la relève. Carey Price continue à performer, mais éventuellement, il va falloir envisager peut-être un remplacement. C'est sûr que Carey, là, il lui reste peut-être encore 7 ans, 8 ans de contrat. Mais ça, c'est bon augure. Pour ce qui est des restes des autres joueurs de Laval, je vois pas encore un jeune se démarquer pour venir faire un grand impact avec le grand club. C'est peut-être le seul bémol que je peux avoir actuellement. Mais encore une fois, on est en début de saison. Oui, peut-être. Ouais. Tu sais, en 15 matchs, il a 2 buts, seulement aucune assist. Ouais. Donc, il faut voir encore une fois comment ces joueurs-là vont se faufiler dans la Ligue nationale, quel style d'impact qu'ils vont avoir. Si je regarde Charles Ludon qui essaie de relancer sa carrière, en 15 matchs, il a 5 buts, 2 passes. Donc, parfois, il faut être patient en début de saison comme ça, et puis on espère que les jeunes vont progresser suffisamment pour venir éventuellement donner un vrai coup de main aux Canadiens. Mais dans le cas de Charles-Ludon, tu as joué t'as coaché dans la Ligue américaine, Stéphane. On dit que la Ligue américaine est très, très difficile à jouer, parfois même plus difficile que la Ligue nationale. Est-ce vrai? Ben là-dessus, je suis pas certain. C'est sûr que quand tu es un joueur de hockey, c'est important d'être bien entouré, d'avoir une belle chimie de trio. Un joueur aujourd'hui ne peut pas faire les choses à lui seul. Mm. Moi, j'ai connu beaucoup de succès dans la ligne américaine parce que j'étais super bien entouré. J'avais une chimie incroyable avec Benoît Brunel. Les deux, on avait connu beaucoup de succès. Si un joueur se retrouve dans une moins bonne équipe ou il est moins bien entouré, mais en principe, c'est un calibre qui est beaucoup moins fort que la Ligue nationale. Donc, un bon joueur devrait trouver une façon de se démarquer d'une certaine façon. Dans le cas de Charles, j'ai pas assisté à des matchs encore à Laval. Je suis ça à distance un petit peu. Je m'attendais peut-être à ce qu'il produise peut-être de façon plus importante. Pourquoi cette production-là n'est pas au rendez-vous? Est-ce que c'est son temps de glace? Est-ce qu'il ne joue pas avec les bons joueurs? Je ne le sais pas, mais dans le cas de Charles, j'espère qu'il va tout simplement trouver une façon là, de démontrer que c'est un joueur de la Ligue nationale. Et présentement, je pense que ses statistiques ne parlent pas pour lui, malheureusement. OK. Stéphane, on s'en parle dans une couple de semaines. Collaborateur, ça me fait plaisir, Danny. Stéphane Lebeau.